attendez nous qu'à péréger. Besoin l'amour, tant qu'on poisson qui besoin de l'eau. Besoin sourire, tant qu'on yon corps besoin l'esprit. Moi bouleversé, qu'on l'y s'y fait, il n'a la mer. Sous vos côtés, ma vaillant ange qui connaît. Est-ce que c'est aimé ou pas aimé? Ça qui me gâte ou qui me aimé? Moi même à côté avec la vie, c'est vérité en vérité chérie. Ou à déposer, mais combat. Avant ma vie pensée, tellement moi même chérie. Moi pas capable résister. Chérie, vous c'est espoir moi. Ou c'est la vie moi. Ou c'est bonheur moi. Sans vous, moi pas capable. Chérie, I need your love. C'est où vous voulez? I need your love. Just lay back. Who? Me? I'm in control. Lunette! Ah! Wafouye doit être dans mon show! Ah! Tidou besoin de l'or, Catalan besoin de l'or, pour les capables chanter, Fredo besoin de l'or, Fanfan besoin de l'or, Dali besoin de l'or, Lunette, Yo tout le monde, Yabou. Catalogue, où est mon bon? Imagine le mon chéri, il pas. Sankou yon ordinateur, il sa détruit. L'ol pa jwenn l'amour, senti l'espoir faibli. Senti pa gen avenir. Sankou yon ordinateur, virus sa détruit. I need your love. I need your love. Manichi, c'est pas l'or vous t'ap cherché. I need your love. Catalogue fait ou pral bon l'or. L'ol pa jwenn l'amour, chéri, li pa dormi. Doudou li ap soufri. Sankou yon ordinateur, virus ap détruit. L'ol pa jwenn l'amour, senti l'espoir faibli. Senti l'pa gen avenir. Sankou yon ordinateur, virus ap détruit. I need your love. Chéri. I need your love. besoin de l'homme. Bekin besoin de l'homme. Mais on lui besoin de l'homme. Pour lui qu'a fonctionné, son son besoin de l'homme. Victory besoin de l'homme. Mani dit besoin de l'homme. Va dire que je joue. Mani dit tout ça. Comment?